mes amis, mes souvenirs, si vous la voyez revenir, dites-lui que mon cœur lassé vient de rompre avec le passé. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même, simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. J'avais sa préférence, j'étais son seul bonheur. Hélas, les apparences et le sort sont trompeurs. Un autre a pris ma place, tout passe, tout casse, tout lasse. Des grands mots, oh pourquoi, non, dites-lui, bonjour pour moi. Elle croit que j'ai beaucoup de chagrin. Aujourd'hui non, mais peut-être demain. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même, simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. Je n'ai plus d'espérance, je remporte mon cœur par les routes de France ou bien d'ailleurs. Mais dites-lui quand même, simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout.